déjà 16h52 et comme tous les mercredis et pour le dernier mercredi de l'année, eh bien c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main où nous recevons un chercheur, une chercheuse qui vient nous présenter ses travaux de thèse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Lagasse. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes doctorant de troisième année de l'Université Paris-Descartes, école doctorale de droit numéro 262, centre Maurice Auriou. Bienvenue à la méthode scientifique, c'est à vous. Merci. Ce que je vais traiter, donc, les mégadonnées et l'analyse prédictive au service de la sécurité publique. En 1749, Alexandre Guillotet, officier de la maréchaussée, présenta dans son mémoire sur la réformation de la police de France un projet visant à réaliser un méga-fichier où toute la population serait enregistrée et tracée dans ses mobilités. Il y voyait dans ce fichier une sorte de chaîne qui laisse toute liberté de faire le bien et qui ne permettent que très peu, très difficilement, de commettre le mal. Utopiste, Guillotet avait néanmoins saisi la problématique de la sécurité des mobilités, des personnes et des biens, avec pour finalité de mieux gouverner l'espace et ses circulations. Deux siècles et demi plus tard, la transformation numérique, troisième révolution industrielle, amène les gouvernants à revisiter ce que Michel Foucault nommait les dispositifs de sécurité. Sur ces aspects, le big data est un nouveau flux. Comme tout flux, il fait l'objet de mesures de protection, de contrôle et de régulation. Pour ces raisons, le big data relève, selon les critères de Frédéric Gros, d'un domaine de sécurité. Par ailleurs, les mégadonnées ou big data et l'analyse prédictive révolutionnent la statistique en privilégiant la méthode de raisonnement inductive, supplantant progressivement la méthode de raisonnement déductive. Il en résulte de ce choix, qui n'est pas neutre, une possibilité de mieux déceler en amont l'émergence de signaux faibles et ainsi d'anticiper et de gagner en agilité dans la sécurité du quotidien. Au final, les flux de mégadonnées vont de pair avec la naissance d'un nouveau droit consacré aux mobilités physiques et numériques. Michel Foucault avait déjà esquissé le concept des mobilités dans ce qu'il nommait les circulations. Le véritable enjeu pour Foucault est, je le cite, « non plus fixer et marquer le territoire, mais laisser faire les circulations, contrôler les circulations, trier les bonnes et les mauvaises, faire que ça bouge toujours, que ça se déplace sans cesse, que ça aille perpétuellement d'un point à un autre, mais d'une manière telle que les dangers inhérents à cette circulation en soient annulés. » Et d'en conclure, « non plus sûreté du prince et de son territoire, mais sécurité de la population et, par conséquent, de ceux qui la gouvernent. Pour consacrer au mieux ce droit à la sécurité des circulations, dans un environnement où les échanges s'accélèrent sans cesse par le biais des objets connectés, il est nécessaire de disposer d'outils d'aide à la décision de plus en plus performants. Le phénomène d'infobésité, engendré par la transformation numérique, ne fait qu'amplifier l'état d'incertitude et de risque auxquels les responsables publics sont placés face à une décision à prendre dans une situation de crise. Le ministère de l'Intérieur, ministère de l'Urgence et de l'Action, fait évoluer sa culture d'entreprise vers davantage d'anticipation et de proaction. Cette évolution est la conséquence directe du phénomène du Big Data, véritable Big Bang de civilisation qui a impacté sans exception tous les secteurs d'activité. Ainsi, dans le secteur de la sécurité, les mégadonnées d'analyse prédictive peuvent contribuer à pronostiquer des occurrences futures de délits de masse contre les biens et de fait suggérer les zones dans lesquelles patrouiller. S'agit-il pour autant de considérer, comme Tocqueville, que la notion de gouvernement se simplifie, que le nombre seul fait la loi et le droit, que toute la politique se réduit à une question d'arithmétique? De se résigner à l'installation d'une gouvernementalité algorithmique, nullement. Le Conseil d'État, dans son étude numérique et droits fondamentaux, recommande de légiférer dans un code des algorithmes. Cet instrument devrait définir la place et le rôle des algorithmes dans notre système normatif en érigeant comme grand principe la transparence, la loyauté et la vigilance pour que les décideurs publics gardent la main.